Le présidium du comité central de la Tsongnyon, association générale des Coréens résidant au Japon, a adressé le 30 juin une lettre de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Elle indique notamment « La promotion du respecté maréchal Kim Jong-un au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée est un grandiose événement historique pour démontrer dans le monde le prestige et le potentiel de notre République » et de parachever la cause révolutionnaire du Tse entreprise au Baekdu, suivant le kim-sunisme-kim-jong-lisme. En dépit des menées d'isolement et de suppression des États-Unis et des pays satellites contre la République populaire démocratique de Corée, le respecté maréchal a mis au monde successivement les événements extraordinaires, raccourcissant 10 ans en une année, et les prodiges surprenants, pour ainsi développer à un haut niveau la cause révolutionnaire du Tse, progresser sous la direction des grands leaders. La promotion du respecté maréchal au poste suprême de l'État nous inspire une grande fierté. Pour terminer, la lettre souhaite santé au président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée.